avant de laisser la parole à notre brillant conférencier de ce soir, je vais vous faire une présentation du collectif Rennais pour les animaux, qui a organisé cette conférence et également qui organisera la conférence de demain. Donc le collectif Rennais pour les animaux rassemble des citoyens militants pour la cause animale. Il relaie localement, les événements nationaux en faveur de la cause animale et organise régulièrement des actions sur le terrain. Alors c'est souvent un stand d'information. Donc pour sensibiliser et informer le public, on distribue des tracts, on diffuse des vidéos, on organise des conférences et bientôt aussi on va faire des projections de films avec des faits véganes. Les principes qui nous guident sont simples. Nous sommes contre le spécisme, c'est une notion qu'on va vous expliquer un peu plus tard, et pour le droit des animaux. Nous ne sommes pas contre les actions réformistes, mais nous adoptons plutôt une position abolitionniste, en revendiquant la suppression des différentes activités qui impliquent l'utilisation d'animaux au détriment de leurs intérêts. Donc si vous avez un petit peu de temps et que vous êtes sensible aussi à la cause animale, vous n'hésiterez pas à nous rejoindre, on pourra en parler tout à l'heure si ça vous tente. Donc deux conférences, une ce soir avec David Olivier et une demain avec Yves Bonnardel que je vais présenter très rapidement avant de présenter plus longuement David Olivier. Donc Yves est militant et égalitariste libertaire. Il est auteur, co-créateur de la Vigipride et des éditions Time Party et ex-directeur de publication des cahiers antispécistes. Donc sa conférence se déroulera demain de 19h à 22h, entrée libre toujours, et ce sera à Villejean, bâtiment B, amphithéâtre B6. Alors maintenant, ce qui concerne David. L'intitulé de la conférence, c'est la question animale. La question animale, une question politique cruciale, donc à ne pas manquer. Avec un petit peu pareil. Alors David, si présent, est physicien de formation, utilitariste, et notamment influencé par le philosophe Peter Singer. À la fin des années 80, il coécrit une brochure qui s'intitule « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux », qui sera diffusée notamment dans les milieux libertaires. En 1991, il fonde les cahiers antispécistes, une revue qui a pour but de remettre en cause le spécisme, donc on verra ce qu'est le spécisme, et d'explorer les implications scientifiques, culturelle et politique d'un tel projet. Il s'agit d'une nouvelle mouvance dans le paysage français et au sein du mouvement animaliste. En effet, il s'agit plus seulement d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de mise à mort des animaux qui sont exploités, mais de prôner une véritable abolition totale de toutes les formes d'exploitation. David Olivier est aussi fondateur de la Vigipride. C'est une manifestation annuelle de végétariens et végétaliens qui ont choisi ce mode de vie en refus de l'élevage, de la pêche et de la chasse. Donc aujourd'hui, nous sommes entre nous pour environ jusqu'à 21h. Il y aura dans un premier temps la conférence, ensuite un échange sous forme de questions-réponses et qu'on pourra poursuivre autour d'un buffet.